Murmure aux frontières, journal mural contre les frontières et la politique de la peur, été 2018. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Business is business. Les politiques migratoires de l'Union européenne mettent en danger les personnes en exil et profitent aux multinationales de l'armement et aux dictatures. Un rapport rendu public mi-mai par les ONG Agir pour la paix, Transnational Institute, Stop Wapenhandel et l'Observatoire des multinationales dénonce ces politiques. Les dirigeants européens ont ciblé 35 pays prioritaires pour l'externalisation des frontières de l'UE. Le but étant de bloquer les exilés avant qu'ils, elles, n'arrivent en Europe. Cette externalisation fait des pays voisins de l'UE ses nouveaux gardes-frontières. Et parce qu'ils sont loin des frontières européennes et de l'attention médiatique, les conséquences de ces politiques sont invisibles aux yeux des Européens et Européennes. Les secteurs européens de l'industrie militaire et de la sécurité ont été les principaux bénéficiaires des contrats de fourniture d'équipements pour le contrôle des frontières et des migrations dans des pays non européens. Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? Aux armes patrouilleurs, refoulons les haillons. Tous à vos détecteurs, scannez-moi ces camions. De Frontex au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Le géant de l'armement français Thales est par exemple un fournisseur de matériel militaire pour la sécurisation des frontières et de systèmes et équipements biométriques. L'Allemagne et l'Italie financent leurs propres groupes d'armement afin de soutenir des programmes de sécurisation des frontières dans différents pays, en particulier l'Égypte, la Tunisie et la Libye. À coups de barbelés, de clôtures électriques, certains se mettent à rêver de frontières électroniques. À coups d'accords secrets signés à la va-vite, l'Europe s'est enfermée plus qu'elle ne s'est construite. En Libye, les exilés subissent des tortures et la réduction en esclavage. Pourtant, la gestion des migrations en Libye bénéficie de millions d'euros de subventions de la part de l'UE. Projet Across Sahara, Sahara Med, EUBAM, Libye, Opération Sophia, etc. Près de 200 de ces gardes-côtes ont été formés par l'UE. 10 années que ça dure, 25 000 morts en chemin. On vit derrière ce mur et on n'y voit plus rien. Quand nos frontières dérivent, sous-traitées aux voisins, on ignore ce qui arrive et ça nous arrange bien. Au Soudan, l'Europe a prévu d'ouvrir un centre de commandement géré par la société de conseil du ministère de l'Intérieur français, Civipol. L'objectif est la formation des policiers et le partage d'informations avec des pays tels que le Soudan, la Libye, l'Érythrée, l'Égypte, l'Éthiopie, etc. Mieux formés par Civipol, leur police devrait bloquer et empêcher tout individu, qu'il soit opposant politique ou membre d'une minorité oppressée, de fuir son pays et la répression qu'il y subit. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Dans l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, dans la xénophobie, les États sont unis. Soutenue par l'Europe, la police nigérienne, formée par Civipol et équipée de 4x4 et de motos offertes par l'Allemagne, doivent traquer les exilés. Ces dernières années, l'UE a donné plus de 200 millions d'euros au Niger pour bloquer les exilés. Ceux qui vendent de la guerre ont trouvé leurs ennemis. Le pauvre est une affaire car sa vie n'a pas de prix. L'article 13 des droits de l'homme, la convention de Genève, pèse pas l'eau contre la com des industries du glaive. Les bateaux militaires, radars, hélicoptères, sondes à gaz carbonique et caméras thermiques, drones télécommandés, patrouilles et chiens dressés, les jolis détecteurs de battements de cœur. Dans l'Europe de Frontex, au cimetière des frontières, on passe en multiplex nos obsessions sécuritaires. Selon ce même rapport, celui des ONG dont on parlait tout à l'heure, le renforcement et la militarisation de la sécurité des frontières ont conduit à une augmentation du nombre de morts parmi les personnes déplacées. Le blocage des routes de migration pousse les exilés vers des chemins toujours plus dangereux. Et pourtant, l'UE continue de faire sa pub sur le respect de la démocratie et des droits humains. Démocratie qu'elle exporte à coups de bombardements d'un côté et de vente d'armes à des États ultra-répressifs de l'autre. C'est surtout les droits de l'homme au service de l'expansion capitaliste et impérialiste de l'Europe. Une seule chose est sûre, tout est monitoré. Europe à l'euro sûr, tiennent leur base de données. Quand Frontex aura bu et qu'elle sera repue, elle tournera son canon vers de nouvelles missions. Sahara, zone de contrôle et de mort. Le Sahara est devenu une zone où, sous la pression de l'Europe, les exilés sont contrôlés, catégorisés, triés et arrêtés. Et comme partout, plus les contrôles sont importants, plus les personnes prennent des risques. Le Sahara devient ainsi aussi meurtrier que la Méditerranée. Quand l'Europe de Frontex, cynique et sans complexe, l'Europe des colonies, rejoue sa tragédie, on est tous terroristes, on est tous cette histoire sans fin. Renforcement de Frontex. L'agence macabre pour le contrôle des frontières européennes risque d'être encore renforcée par Bruxelles, qui propose de la doter de 10 000 gardes-frontières contre 1000 actuellement, à partir de 2021. La Commission européenne triplerait presque son budget pour le contrôle aux frontières. Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? Entends-tu, citoyen, le barbare mugissement qui veut manger ton pain, ta femme et tes enfants? C'est l'Europe de Frontex. L'Europe de Frontex. L'Europe de Frontex. L'Europe de Frontex. Donc là, on vient d'entendre un extrait du journal Murmure. Ce journal est réalisé à Grenoble. Il paraît de temps en temps pour diffuser des infos, actualités et analyses sur ce qu'il se passe aux frontières de l'Europe. À savoir une véritable guerre avec son armée, Frontex, et ses relais médiatiques. Ces frontières sont diffuses, leur présence est partout à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, à travers les contrôles, les rafles, le harcèlement et l'humiliation systématique des exilés. Ce journal défend donc la liberté d'installation et de circulation pour toutes et tous, et veut contribuer à lutter contre le racisme et les nouvelles formes du colonialisme, contre les frontières et les injustices sociales, et contre la politique de la peur. Voilà la présentation du journal Murmure que vous pouvez retrouver en ligne sur letamis.info. Et on a entendu aussi La Parisienne libérée avec la chanson L'Europe de Frontex. Et maintenant, je vais vous lire un appel au campement Passamontagna qui aura lieu du 19 au 23 septembre. Passe à Montagna, 5 jours en lutte contre les frontières, du 19 au 23 septembre 2018, au col de Montgenève. 5 jours pour partager réflexions, expériences et pratiques de lutte contre les frontières et les États qui les ont créées. Plus d'informations sur www.passamontagna.info. Les 5 jours du camping itinérant Passamontagna naissent de la volonté de partager des expériences, des pratiques, des idées, des analyses entre celles et ceux ayant choisi de se battre pour un monde sans autoritarisme ni frontières. Pendant ces 5 journées, différentes initiatives pratiques auront lieu, ainsi que des moments d'approfondissement et de discussion. Il ne s'agira pas de cours magistraux avec des experts-expertes et des spectateurs-spectatrices, mais bien d'échanges au cours desquels les analyses de nos expériences propres seront partagées. Nous publierons les thèmes de discussion pour permettre à toutes et tous d'y réfléchir avec lucidité et de participer activement aux débats subséquents. Alors au programme, on a le mercredi 19 septembre l'installation du campement, le jeudi 20 septembre une discussion sur les racines du système actuel d'exclusion et une discussion sur les conséquences du coup du système actuel d'exclusion. Le vendredi 21 septembre, une discussion sur dépasser le binôme solidarité ou accueil, puis une manifestation contre les frontières. Le samedi 22 septembre, au programme démontage du camping, pique-nique et sport populaire, et puis discussion sur les réseaux, c'est-à-dire l'idée et perspective pour la création d'un réseau international contre les autoritarismes et les frontières. Et puis un petit concert, et le dimanche, la dernière discussion, dépasser le vous et nous, puis un bilan des 5 jours en fin de journée. Voilà, les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners seront proposés à prix libre. Il est conseillé de s'équiper de vêtements chauds et adaptés à la montagne, d'une tente, d'un sac de couchage et de vaisselle. Faut laisser les chiens à la maison. Le camping aura lieu dans des petits villages de montagne dont il faut prendre soin. Les 5 jours sont complètement autogérés. Il n'y a pas d'organisateur ou d'organisatrice, ni d'utilisateur-utilisatrice, mais seulement des participants-participantes. Voilà. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos habitués. Ah, je crie.